Vous êtes à l'écoute de CKRL au 89.1 et nous allons faire une incursion dans le monde de l'éducation. Vous avez sans doute entendu parler de l'introduction de tableaux blancs, de tablettes électroniques et autres technologies de l'information dans les salles de classe. Vous avez sans doute entendu également les nombreux questionnements face à la pertinence, à l'efficacité de ces technologies. Eh bien, la commission de l'éthique en sciences et en technologie s'est aussi posée la question. En fait, plus précisément, elle l'a posée aux personnes directement concernées par ces technologies, donc les jeunes eux-mêmes. Alors, pour connaître les résultats de cette recherche, nous recevons Madame Nicole Baudry, qui est secrétaire générale à la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour Madame Baudry. Bonsoir Valérie, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de recevoir la commission de l'éthique en sciences et en technologie à Futur Simple. Alors Madame Baudry, rappelez-nous, même si ce n'est pas la première fois que vous venez à l'émission, rappelez-nous quand même en quoi consiste la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bien sûr, la commission de l'éthique en sciences et en technologie est un organisme gouvernemental autonome et indépendant composé de 13 membres nommés par le gouvernement qui sont tous des experts des questions éthiques ou intéressés par les questions éthiques. Notre mandat, c'est de se pencher sur les enjeux éthiques liés à la science et au développement des technologies. L'objectif, évidemment, c'est de conseiller notre ministre, qui est le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et aussi les décideurs politiques, pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur ces problématiques-là. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de problématiques qui ont été abordées dans le passé, les nommer? Oui, absolument. On a travaillé d'abord sur les banques de données. Oui, absolument. On a travaillé sur les OGM. On a travaillé sur les nanotechnologies. Les nanotechnologies dans le domaine agroalimentaire. On a travaillé aussi sur la procréation assistée, sur le don d'organes. On s'est penché sur la télésanté au Québec. Et le dernier avis était sur les soins, les SSP, les soins de santé personnalisés. C'est ça. D'accord, merci. Je vous laisse continuer sur le rôle de la commission d'éthique. Écoutez, ça fait bien le lien, parce que, comme vous le savez, Valérie, aujourd'hui, les avancées en sciences et en technologie ont presque plus de limites. Et il faut vraiment se comporter d'une façon responsable. Et c'est pour ça que la commission propose aux décideurs politiques des orientations de manière à assurer une harmonie entre la science, la technologie et conscience aussi. Alors, voilà le mandat de la commission. On comprend qu'avec les technologies, les sujets que vous avez mentionnés, c'est quand même un rôle important. Et donc, à la commission, il y a un volet jeunesse. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que c'est que ce volet jeunesse? Dans le cadre de nos activités, la commission réunit à tous les deux ans ce qu'on appelle une commission jeunesse. L'objectif est bien entendu de permettre à des cégepiens, de s'intéresser concrètement aux enjeux éthiques d'une application en sciences et en technologie. Ils travaillent cette problématique-là durant leur cours, un cours qui s'appelle Éthique et politique. Et le deuxième objectif, c'est d'offrir à 15 jeunes, 15 d'entre eux, autrement dit 3 par cégep, donc on travaille avec 5 cégeps. Chaque année, chaque 2 ans, on essaye de pas travailler avec les mêmes cégeps et d'aller dans les diverses régions du Québec. Alors, 15 d'entre eux, on les invite à participer durant l'espace d'une fin de semaine à une réflexion éthique à partir du thème qu'ils ont étudié au courant de l'hiver. Et donc, cette année, c'était la 5e fois qu'on tenait une commission jeunesse. Elle s'est tenue en avril dernier. Et le thème que nous avions choisi était les technologies de l'information et des communications à l'école, ce qu'on appelle communément l'éthique. L'éthique, donc ces fameux... T-I-C. C'est ça. Oui, il y a un jeu de mots là, entre l'éthique et l'éthique. L'éthique, c'est donc, ça. Donc, en fait, ces technologies, ces éthiques, ce sont donc bien les tableaux blancs, les tablettes électroniques ou toutes autres applications. Outils, c'est ça. Tous les outils qu'ils utilisent à l'école. D'accord. Donc, et à propos des technologies de l'information et des communications, donc, qui arrivent dans le milieu de l'éducation, quelles sont les questions éthiques qu'on devrait se poser? D'abord, je dois vous dire que avant de répondre à votre question, quand les jeunes ont commencé le sujet, ils ont d'abord considéré quelle devait être la finalité en éducation. Alors, ça a été leur point de départ. Alors, pour eux, l'éducation, ça sert à transmettre des connaissances, à développer des compétences pour contribuer activement à leur société, à leur, dans leur vie citoyenne, intellectuelle et professionnelle. Première chose qu'ils ont posée. Mm-hmm. Deuxièmement, ça devait aussi être un apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble. Et finalement, l'éducation sert à l'égalité des chances. Donc, ils ont bien posé ça. Et à partir de cela, ils ont mis trois enjeux en lumière. Le premier concerne l'efficacité et la valeur pédagogique. Le deuxième, l'équité. Et le troisième, la connaissance et les compétences mm-hmm. à utiliser ces technologies-là. Mm-hmm. Donc, si je reprends un peu chacun des enjeux, l'efficacité et la valeur pédagogique d'éthique, les jeunes veulent que y ait les choix en matière de technologie reposent sur des effets positifs qui sont démontrés sur le plan pédagogique et non sur la popularité de la technologie. Ouais. Mm-hmm. Bon. Alors, pour eux autres, c'est un prérequis au déploiement. Le deuxième enjeu qui était l'équité. L'équité, entendre équité dans le sens de accessibilité au matériel et aux compétences. Mais par contre, ils ont parlé du clivage entre les écoles publiques et les écoles privées et ils sont bien conscients que tous n'ont pas la même égalité des mm-hmm. chances. Donc, à partir de là, ils se sont entendus pour dire que ils étaient tous d'accord à l'effet que l'équité, ça requiert pas nécessairement le même matériel pour tous, mais ça exige des conditions d'apprentissage équivalentes qui permet d'obtenir des résultats équivalents. Ah oui, parce que c'est pas parce qu'on a tous une tablette qu'on va être tous capables de s'en servir intelligemment. Non, absolument pas. Ouais. Et finalement, le troisième enjeu qu'ils ont bien expliqué, c'était à propos des connaissances et des compétences à utiliser ces technologies-là. Les jeunes recommandaient que ce soit... Les jeunes, pas recommandaient, mais reconnaissaient, je m'excuse, que c'est une compétence absolument nécessaire dans le monde actuel qu'il faut développer. Et l'enjeu était surtout que s'il y avait des disparités importantes entre les étudiants, ça pourrait engendrer des inégalités sociales. Mm-hmm. Donc ça, c'est les trois enjeux qu'ils ont bien exposés. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. Et est-ce que les jeunes aussi ont identifié des effets indésirables de l'utilisation de ces technologies en classe? Oui, ils en ont fait une longue liste. Ah, ils sont quand même assez vigilants, alors, par rapport à ces technologies. Ils étaient assez allumés, je dois dire. Ouais. Ils étaient impressionnants. Alors, je mentionnerai quelques-uns d'entre eux. Alors, ils ont souhaité attirer notre attention particulièrement sur la quantité d'informations disponibles couplée à la qualité et à la fiabilité de cette information-là. Donc, la source de l'information. La source de l'information. Mm-hmm. Ce qu'ils mettaient à l'avance, c'est qu'ils acceptent trop facilement l'information sans chercher des fois à la valider et même à la comprendre. Une autre dérive, c'est qu'ils ont évoqué l'augmentation du risque de plagiat. Mm-hmm. électronique. Ils ont aussi parlé de la possibilité de distraction à cause des stimuli que procure la technologie. Ils en sont conscients. Ah oui, ils sont très conscients. Il y avait des étudiants qui disaient, par exemple, qu'il y avait des jeunes qui sont dans un amphithéâtre qui utilisaient des tablettes en avant d'eux et ça les perturbait. Ah ben oui, parce qu'on ne voit plus le prof devant, on est perturbé par ces petites images qui bougent devant nous. Exact. Ils ont parlé aussi de la diminution de la capacité à retenir l'information puis à s'en souvenir aussi. Mm-hmm. Ils ont mentionné que la dépendance que pourrait engendrer l'utilisation des tics. Puis, ils ont parlé aussi des effets négatifs sur le développement social des élèves. Ah oui? Oh oui, absolument. De quelle façon ça pourrait avoir un effet négatif? Je pense que c'était plutôt en lien avec le fait que quand ils sont dans une bulle, quand ils se servent de ça, puis ça les empêche aussi de socialiser. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on en voit couramment de ça, deux jeunes assis un à côté de l'autre, chacun sur leur téléphone cellulaire, ils ne se parlent plus. Ils se parlent plus, c'est vrai, c'est vrai. Donc, après avoir identifié, discuté des enjeux, identifié les dérives, est-ce que ça les a amenés à proposer des recommandations pour empêcher ces écueils, pour utiliser à bon escient les tics? Oui, ils ont fait des recommandations, effectivement. Ils ont fait 9 recommandations en lien avec chacun des 3 enjeux. Ah oui. Alors, je vous explique un peu ce qu'ils proposaient. Par rapport à la valeur de pédagogique, il y avait deux recommandations faites toutes les deux au ministère de l'Éducation. La première était à l'effet que le ministère favorise l'implantation d'éthique seulement si c'était démontré qu'il y avait une réelle plus-value. Mm-hmm. Dans un caractère d'enseignement, vraiment que ça apporte une plus-value à la qualité de l'enseignement. Absolument. Mm-hmm. Alors, les jeunes se sont basés sur le principe que l'intérêt de l'élève est mieux servi par une approche qui est fondée sur des preuves scientifiques. Évidemment, ils ne veululent pas faire les frais d'une implantation qui les desservirait finalement. Ouais, ouais. Et aussi en lien avec cet enjeu-là, il y avait une autre recommandation à l'effet que, justement en lien avec la première recommandation, que le ministère commande des études rigoureuses qui démontrent l'efficacité mm-hmm. pédagogique. Mm-hmm. Donc, c'était deux recommandations qui étaient liées, effectivement. Le deuxième enjeu qui portait sur l'équité, ils ont fait quatre recommandations. La première était concernait aussi le ministère, ce qu'il il demandait d'intégrer l'éthique dès le niveau primaire mm-hmm. pour que cet apprentissage-là se fasse bien, mais qu'il y ait une mise à niveau en première année de secondaire pour que les jeunes soient tous sur le même pied finalement, parce qu'ils étaient bien conscients qu'il y avait des disparités, que tous mm-hmm. étaient pas au même niveau. Donc, ils ont fait une recommandation. La deuxième recommandation était adressée aux enseignants à l'effet que les professeurs tiennent compte que toutes les familles n'ont pas les mêmes moyens technologiques à la maison. Oui. Cette recommandation-là a été beaucoup en lien avec les travaux à faire chez soi, les devoirs. Ah ben. Mm. Une autre recommandation était aussi à l'effet que le ministère encourage l'implantation et l'utilisation des logiciels libres qui sont moins mm-hmm. coûteux. Mm-hmm. Et alors, ça favorise l'accessibilité pour tous. Ben mm-hmm. oui, absolument, à travers dans les établissements scolaires. Mm-hmm. Et finalement, la dernière recommandation était à l'effet que le ministère fasse en sorte que soit instauré, si c'était possible, un partage du matériel et des logiciels dans les établissements scolaires. Donc, évidemment, ça évite les inégalités entre les établissements parce que tous ont l'accès au même matériel. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'était les quatre recommandations pour cet enjeu-là. Et finalement, en ce qui concerne l'enjeu de la connaissance et de la compétence, ils ont fait trois recommandations. La première concerne l'ensemble des acteurs en éducation. Ils ont demandé que la formation qu'on leur donne mm-hmm. à utiliser l'éthique ne se limite pas uniquement à l'utilisation des technologies, mais qu'on aborde aussi les questions éthiques, les conséquences sociales. Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est apprendre à se servir des tics avec discernement. Mm-hmm. Il y a toute la question de l'intimidation, de la cyber-intimidation, qui est intimement liée à ça. Mm-hmm. Une autre recommandation était à l'effet qu'il y ait une formation continue pour les enseignants sur trois aspects, la technologie. Parce ça évolue vite en plus, ça évolue vite. Oui, absolument. Les aspects pédagogiques et les aspects éthiques. Mm-hmm. Vous voyez, ils considèrent ça dans un tout vraiment. Et finalement, la dernière représentation était à l'effet que les professeurs favorisent une prise de notes manuelle, ce qui était assez étonnant. C'est surprenant, ça. Vraiment surprenant. Alors, qu'ils favorisent une prise de notes manuelle, mais aussi qu'ils s'assurent que l'usage des technologies ne perturbe pas l'apprentissage de l'élève. Mm-hmm. Donc, pour des jeunes, je dois vous dire que pour des jeunes nés à l'ère du numérique, leurs réflexions et leurs recommandations m'ont grandement impressionné, moi qui n'ai pas né à cette ère-là. Ouais, ben surtout donc, le coup des notes manuelles, c'est quand même assez surprenant. Ça veut dire qu'ils sont attachés finalement au fait d'écrire. Ils sont conscients que le fait d'écrire apporte un plus pour apprendre. Il y avait des jeunes qui préféraient nettement prendre leurs notes manuelles, puis qui disaient aussi que ça favorisait la rétention de l'information. Et de façon générale, est-ce que vous diriez que après avoir fait tout ce travail, émis des recommandations. Est-ce qu'ils étaient favorables ou défavorables à l'utilisation des technologies, bon, d'éthique en éducation? Ben, vous savez, on leur a pas posé la question comme ça, premièrement. Non, ouais. Non, alors, il n'y avait pas à se prononcer là-dessus. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'ils étaient favorables à l'implantation d'éthique si c'était efficace du point, ouais, de vue pédagogique. Mm-hmm. Ça a été, ouais, vraiment une constante chez eux. Ils ont été assez lucides pour dire que ça devait être bien encadré, sinon il y avait des risques de dérive dont ils étaient bien conscients, puis dont ils ont fait une bonne liste. Mais je dois vous dire que ils ont porté un regard critique qui était assez imposant, très impressionnant surtout. Mm-hmm. Comme je vous dis, ça m'a vraiment épaté, leur réflexion là-dessus. Mm-hmm. Et puis surtout, je pense que il y avait un consensus. Ils favorisent une approche qui est mixte dans l'utilisation des tics, c'est-à-dire qui navigue un peu entre le contrôle puis la responsabilisation. Ouais. Mm-hmm. Alors, vous comprenez, ils veulent les utiliser, ils veulent être responsabilité, mais ils veulent aussi qu'il y ait un espèce de contrôle. Ils favorisent un peu l'utilisation des anciennes méthodes. Mm-hmm. Ils sont pas à tout prix technologiques. C'est ça, exactement. Dire, ouais, c'est... Au contraire de ce que j'aurais pu m'imaginer. Ben, c'est surprenant venant de la part des jeunes qu'ils disent ça eux-mêmes. Là, on, ouais, aurait pu penser que, ben, non, ils sont dedans, donc ils en veulent encore plus. Non. C'est pas si clair que ça. Non, vous savez, ils utilisent ça beaucoup pour la socialisation, puis pour discuter entre eux, ouais, mais quand il s'agit de l'école, ils ne veulent pas faire les frais de ce qui ne serait pas finalement utilisé à bon escient ou, ouais, efficace pour eux autres. Donc finalement, ils ont donné un avis assez lucide sur l'utilisation des tics dans l'enseignement qu'ils pourraient recevoir, mais ils ont rédigé un avis, donc il y a un avis qui, ben, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont rédigé, mais il y a un avis qui est disponible qui, ouais, synthétise leur réflexion. Ouais. Que va devenir cet avis? Est-ce qu'il va être pris en compte par le gouvernement? Ben, écoutez, moi, je pense que c'est un avis qui a été très bien reçu par les autorités, principalement le ministère de l'Éducation. Je dois dire aussi qu'on avait préparé, parce qu'on prépare toujours des documents à l'intention des professeurs qui vont travailler avec les étudiants, mm-hmm, à préparer ça. On a travaillé avec une direction du ministère de l'Éducation dans ce dossier-là. Je crois que cet avis-là de la commission jeunesse apporte un éclairage qui est terriblement intéressant sur les enjeux que soulève l'éthique. Dans le fond, ils sont les utilisateurs. Ils sont les premiers concernés. C'est ça. Et puis, je pense que c'est important de porter une attention particulière à la perspective des jeunes, puisqu'évidemment, comme on dit, ils sont concernés, mais ils sont les principaux intéressés, puis c'est eux qui vont devoir vivre avec les conséquences, qu'elles soient positives, mm-hmm, ou négatives. Donc, mm-hmm, on leur souhaite des conséquences positives. Et ce qu'ils veulent, c'est que l'implantation se fasse si c'est efficace du point de vue pédagogique. Donc, je pense que c'est un avis qui a été bien reçu. Donc, on a eu des échos ouais, favorables, je dois, ouais, dire. Ouais. D'accord. Et si on veut en savoir plus finalement sur cet exercice de la commission jeunesse, on va sur le site de la commission? Oui, absolument. Sur le site Internet au www.éthique.gouv.qc.ca. Et de la même manière que vous y trouverez les quatre autres avis de la commission jeunesse, mm-hmm, et tous les travaux de la commission. C'est ça. Donc, c'est tous les avis, finalement, de la commission sont disponibles en PDF qu'on peut télécharger. Oui, absolument. Et prendre le temps de bien, oui, lire. Et, oui. Et aussi pour les travaux scolaires, je dois dire que le site Internet est assez bien fait. On a un onglet qui parle de qu'est-ce que c'est l'éthique et qui peuvent être intéressants pour les jeunes dans leurs travaux scolaires et pour les gens aussi qui veulent s'informer, oh, qu'est-ce que c'est les enjeux éthiques. Mm-hmm. Et petite question surprise, il y aura donc une autre commission jeunesse dans 2 ans, oui, qui va porter sur quoi? Est-ce qu'on le sait déjà? On ne le sait pas encore. Non, on ne le sait pas d'avance. Mm-hmm. On fait toujours une espèce, ouais, de brainstorming. Ouais. Les précédentes ont porté sur le plagiat électronique. Ouais. Il y avait le neuromarketing, il y avait l'éthique et le sport. Ouais, ouais. Et il y avait aussi la cyberintimidation, mm-hmm, qui a fait aussi beaucoup de qui a reçu une attention vraiment particulière. Oui. Les écoles nous demandent encore des copies de cet avis-là. D'où l'importance de ce travail. Ah oui, d'où l'importance de ce travail, parce que on fait la promotion de ces avis-là, puis les écoles qui nous en demandent. On fait souvent aussi des documents qui sont des documents complémentaires, vous savez, des affiches ou des choses comme ça que les écoles peuvent nous demander, qu'on leur fournit avec grand plaisir. D'accord. Donc voilà une invitation à prendre connaissance de cet avis de la commission jeunesse sur le site de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Madame Baudry, je vous remercie beaucoup de tous ces éclaircissements sur ce travail. Merci beaucoup aussi de permettre aux jeunes de participer à de tels travaux. Ça doit être passionnant pour eux. C'est très intéressant. Merci à vous de nous recevoir pour nous permettre de nous faire connaître et de nous de faire connaître aussi ce travail. De faire connaître tout ce travail. C'est ça. Alors maintenant, on va faire une pause publicité, une pause musicale. Une pause musicale et publicité sur CKRL au 89.1. Et au retour, on fait un petit tour des actualités scientifiques de la semaine.